La communauté internationale condamne sévèrement les impérialistes américains qui ont provoqué la guerre de Corée et massacré des civils innocents. Le journal britannique The New Vocal a noté que les États-Unis ont massacré des millions de civils innocents pendant les 3 ans de la guerre de la Corée et osé utiliser des bombes en napalm interdites dans le monde. Le journal pakistanais The Nation a écrit que les États-Unis cherchent à nier et à dissimuler le crime d'avoir utilisé des armes bactériologiques pendant la dernière guerre de Corée. L'Américain Caleb Maupin, commentateur politique et militant, a indiqué que les États-Unis qui ont provoqué la guerre de Corée le 25 juin 1950 ont bombardé tous les bâtiments à plus d'un niveau et détruit les réservoirs au nord de la Corée pour ainsi causer de grandes inondations dans les zones civiles. La déclaration du Forum allemand anti-impérialiste a noté qu'il faut traduire à la Cour internationale les États-Unis qui, pris de misanthropie, se sont livrés au génocide et les juger au nom des peuples progressistes du monde. L'agence de presse internet russe Primorsky Reporter a souligné que les Coréens n'oublieront jamais les malheurs imposés par les impérialistes américains et s'en vengeront à coup sûr.